Je démarre ce texte avec les couilles et le cœur, la colère écarlate, si ça sent la tease et la sueur, je suis passé par là, la roue tourne, mettez-moi comme ça grince. Je voulais pas avoir ce putain de monde de toc m'a sorti à la pince. T'es ma s'écrit, tout part, je débarque, crime de tout bab. Pardon maman si constamment tu dis que ton fils est tout pâle. Je vais pas parler tout bas. Étais-je la crasse à la peine, j'envoie des stos bas, du tosma, des grosses basses à la pelle, je te fais de la peine, ma fiotte si je me bute à la fiole. Mais cette nuit papy s'est tranché le bide avec à la guiole. Maison familiale, t'es ma c'est devenu la jungle. Change plus de fringues, ça chlingue, papa dort. J'ai les cinglés, j'ai pris du beat, je me trouve dégueulasse. Toutes mes habitudes me lassent. Quand tes piliers s'effondrent, tu prends tout comme une vraie menace. Les yeux pétés, café, tard, pétave. J'arrête pas d'arrêter de leur promettre, d'arrêter de bédave. C'est pilon, enchanté, pousse entre épines et pétales. J'ai l'humeur en chantier, la rage à tous les étages. Écoute, fini de danser, maintenant faut taffer les dorsaux. Un tas de mauvaises pensées, tout ça feront de bons morceaux. C'est pilon, enchanté, pousse entre épines et pétales. J'ai l'humeur en chantier, la rage à tous les étages. Écoute, fini de danser, maintenant faut taffer les dorsaux. Un tas de mauvaises pensées. Tout ça feront de bons morceaux. Ma puce, papa se lève de bonheur et fera ce qu'il peut. Je bosse pour des mecs tranquilles, j'ai pas de caisse à 30 000 E. Pareil qu'être heureux n'est qu'un sentiment, c'est qu'on ne pas l'être à temps. Compteur, 31 automne, moi je compte pas les printemps. Cousse, oublie les femmes qui parlent de peine, de doute. Moi je rends pas les couilles de tout, écoute, j'ai la plus belle de toutes. Je reviens indemne de la balade, promis, je ferai une belle entrée. J'ai bien compris quand le chat n'est pas là, les souris plaisantaient. Tu peux semer avec amour, des fois ça poussera pas. J'ai vu la fille de mon pote dire à son père, maman ne t'épousera pas. T'as bien vu, tout se barre en couille et dans le fond on maîtrise plus rien. Me parle pas ton destin, j'ai bien l'impression que c'est putain. Plus j'avance et plus je me dis, je t'apprends le butin trop tard. L'impression de plus être à la page, avoir 4 bouquins de retard. J'ai pas la gueule à finir dans le Spotify d'un prépubère. Je donnerai pas ma langue au chat pour qu'un clébard la récupère. C'est pilon, enchanté, pousse entre épines et pétales. J'ai l'humeur en chantier, la rage à tous les étages. Écoute, fini de danser, maintenant faut taffer les dorsaux. Un tas de mauvaises pensées, tout ça feront de bons morceaux. C'est pilon, enchanté, pousse entre épines et pétales. J'ai l'humeur en chantier, la rage à tous les étages. Écoute, fini de danser, maintenant faut taffer les dorsaux. Un tas de mauvaises pensées, tout ça feront de bons morceaux.